Je viens d'apprendre, monsieur, par le petit garçon de notre vigneron, qu'il vous était arrivé une visite de Paris. Oui, c'est un de mes amis qui vient me voir. Dans quel appartement du château souhaitez-vous qu'on le loge? Nous verrons quand il sera revenu de l'hôtellerie où il est retourné. Où est Angélique, Lisette? Il me semble l'avoir vue dans le jardin, qui s'amusait à cueillir des fleurs. Voici un homme qui est de bonne volonté pour elle, qui a grande envie de l'épouser. Et je lui demandais si elle avait de l'inclination pour lui. Qu'en pensez-vous? Oui, de que la vie êtes-vous touchant ça? Belle brunette, mamie! Aimée! Autant que j'en puis juger, mon avis est que jusqu'ici, elle n'a rien dans le cœur pour vous. Rien du tout! C'est ce que je disais. Que mademoiselle Lisette a de jugement. Ma réponse n'a rien de trop flatteur, mais je ne saurais en faire une autre. Stella est belle et bonne, et je m'y accorde. J'aime qu'on soit franc. Et en effet, que le mérite avons-je pour lui plaire à cet enfant? Ce n'est pas que vous ne valiez votre prix, monsieur Blaise. Mais je crains que madame Argante ne vous trouve pas assez de bien pour sa fille. Ça est vrai? Pas assez de bien? Plus vous allez, mieux vous dites. Vous me faites rire avec votre air joyeux. C'est qu'il n'espère pas grand-chose. Oui, voilà ce que c'est. Et puis, tout ce qui vient, je le prends. Le bio brin de fille que vous êtes. La tête lui tourne. Ou il y a là quelque chose que je n'entends pas. Cependant, je me baillerais bien du tourment pour avoir Angélique. Et il en pourra venir que je l'auront ou bien que je l'auront pas. Faut mettre les deux pour deviner juste. Vous êtes un très grand devin. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi un parti à lui offrir, mais un très bon parti. Il s'agit d'un homme du monde et voilà pourquoi je m'informe si elle n'aime personne. Dès que vous vous mêlez de l'établi, je pense bien qu'elle s'en tiendra là. Adieu, Lisette. Je vais faire un tour dans la grande allée. Quand Angélique sera venue, je vous prie de m'en avertir. Soyez persuadée, à votre égard, que je ne m'en retournerai point à Paris sans récompenser le zèle que vous m'avez marqué. Vous avez bien de la bonté, monsieur. Ménagez vos termes avec Lisette, maître Blaise. Aussi fais-je. Je n'y mets pas le sens commun.